Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'esclavagisme made in USA. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a de tragique dans l'histoire des États-Unis? Vous êtes en présence d'un grand pays évolué qui avait l'esclavage à l'intérieur même du pays. L'Angleterre, par exemple, avait des colonies où existait l'esclavage, mais il n'y avait pas d'esclavage en Angleterre. La même chose pour la France. Ce n'est qu'en 1865, au terme de la guerre civile américaine, que sera aboli l'esclavage aux États-Unis. Et bien que la traite transatlantique d'esclaves soit prohibée, elle, depuis 1808, il y aura cette particularité aux États-Unis d'y voir se développer un système d'esclavage interne, un véritable marché aux esclaves intérieurs, particularité dont parlait l'historien Michel Brunet dans cet extrait qu'on vient d'entendre tiré de l'émission Partage du jour en 1963. L'Amérique, estimait-on, avait la richesse, l'Afrique les hommes. L'un et l'autre continent étaient dominés par les mêmes puissances européennes. Comment résister alors à l'attrait d'une opération aussi facile, aussi lucrative et, pour les possédants, aussi nécessaire? D'autant qu'il ne manquait pas dans le monde noir de chefs tout disposés à jouer les intermédiaires et à fournir tous les contingents d'esclaves qu'on leur réclamerait. Certes, les principes de la conscience chrétienne pouvaient causer quelque embarras, mais en cherchant bien, on trouva divers textes de l'Ancien Testament qui paraissaient autoriser l'esclavage sous certaines conditions. Et puis, argument suprême, on arrachait des malheureux à la barbarie et à la misère, et surtout, on leur donnait la possibilité de quitter les ténèbres du paganisme pour adopter le christianisme de leur maître, catholicisme ou protestantisme selon le cas. Qui, après cela, pouvait dénoncer la traite des Noirs sans passer pour un illuminé, un élément dangereux qu'il importait de réduire au silence au nom de la raison d'État? Extrait de l'émission Africa Terra du 1er novembre 1960, on y entend Pierre Boucher lire un texte de Jean-Marc Léger exposant la base idéologique, la rhétorique aussi sur laquelle va reposer le système esclavagiste américain. L'extrait qu'on vient d'entendre parle d'un système esclavagiste au moment où l'on s'approvisionne en esclaves à partir de l'Afrique, mais ce système va survivre aux États-Unis après la prohibition de la traite transatlantique grâce ou à cause du développement d'un marché interne de vente et d'achat d'esclaves. Pour nous expliquer les de ce marché aux esclaves, mon invité Maryse Bachand, professeure d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Maryse Bachand, bonjour. Bonjour. Pour qu'on comprenne bien à quoi on fait face, peut-être commencer par un portrait de la situation, Maryse Bachand, au moment où commence la guerre civile, parce que l'esclavage va être aboli après la guerre civile. Au moment où commence cette guerre, ça ressemble à quoi ce portrait d'ensemble? Quelle importance a, sur le plan économique par exemple, le système esclavagiste? C'est immense et on l'oublie souvent, c'est 4 millions d'esclaves qui sont là en 1860, c'est 8 fois plus qu'au moment de la Révolution américaine, donc 70 ans plus tôt. La valeur marchande des esclaves, ça équivaut à 3 milliards de dollars de l'époque. C'est 3 fois plus que les capitaux investis dans le secteur manufacturier, 3 fois plus que les chemins de fer, 7 fois plus que les banques, 48 fois le budget fédéral de l'époque. Le seul champ d'activité économique qui est plus important, qui vaut plus cher, c'est la propriété foncière. Donc, le marché aux esclaves, c'est une big business, puis c'est la deuxième plus grande aux États-Unis à l'époque. Ça fait partie du système économique américain à ce moment-là. Puis une chose, parce qu'on a les esclavagistes, au fond, vont longtemps prétendre « Ah, c'est pas vraiment payant. » On entendait un petit peu la rhétorique, là, au fond, c'est presque du... on leur rend presque service, on les sort de leur misère, ces esclaves qui travaillent pour nous. Puis il y aura cette idée que c'est pas payant. Alors que ça, c'est faux complètement. C'est du big business, comme vous disiez, et c'est très payant. C'est très rentable. C'est un système qui fonctionne sur un système d'endettement. Donc oui, il y a une partie qui semble pas rentable ou de manière capitaliste, là, pas bien fonctionner. Mais dans les faits, c'est très rentable et les gens investissent des sommes massives dans les esclaves. Et l'institution grossit constamment, elle grossit sans arrêt tout au long du 19e siècle. Économiquement, c'était très, très rentable. Oui. Parlons de cette grande transformation, puis on va revenir au fond à l'extrait qu'on entendait de l'historien Michel Brunet au tout début de l'émission. Il y a cette particularité, en 1808, la traite transatlantique des esclaves est abolie, et pourtant, aux États-Unis, puis c'est de ça dont Michel Brunet nous parlait, il y a cette particularité, ce pays-là va créer, à l'intérieur même de ses frontières, va créer un marché aux esclaves. Comment on va réussir ça? Dans un premier temps, il faut comprendre que la traite est abolie en 1808 parce qu'il y a une partie du pays qui proteste l'existence de l'institution. Tout le nord du pays va, pour des raisons idéologiques, aussi économiques, mais l'idéologie est importante dans ce cas-ci, vouloir qu'on abolisse et on veut que la République vienne au monde. Et donc, on va faire des compromis qu'on va inscrire dans la Constitution. Donc, on se donne 20 ans pour abolir la traite. D'ailleurs, les pères fondateurs se disent, c'est une question de temps, c'est moribond ce système-là, ça ne marchera plus. Parce que ça allait moins bien. Parce que la culture du tabac, qui avait été le grand moteur économique du siècle précédent, est moins rentable. Mais c'est avant qu'on achète la Louisiane, le tiers du pays, puis qu'on puisse développer la culture du coton. Puis avant qu'on découvre les graineuses à coton, qui était une invention qui permettait de sortir le coton de son écorce. Et ça transforme complètement la rentabilité de l'esclavage. Et ça se fait dans les années 1790. Et les pères fondateurs, le tiers d'entre eux, c'est des esclavagistes. Il ne faut pas l'oublier. 4 des 5 premiers présidents étaient des grands esclavagistes et des planteurs eux-mêmes. Donc, il y a la rhétorique de « c'est la fin de », mais dans les faits, l'institution va croître. Et oui, on développe donc une traite intérieure qu'on aime aussi parce que la traite intérieure, ce sont des esclaves nés en esclavage. Ouais. Vu qu'on ne va pas prendre des captifs africains qu'on amène, des gens donc, qui sont nés en liberté et qui se retrouvent en esclavage, qui sont beaucoup plus récalcitrants, beaucoup plus résistants à l'esclavage. Ceux qui sont nés en esclavage résistent quand même aussi, mais il y a une habitude qui est prise de la condition d'esclave qui en fait des populations qui sont beaucoup plus contrôlables. Le fils ou la fille d'esclave est un meilleur esclave, au fond. Vu du point de vue du planteur, là, il y a une demande pour ça. Oui, effectivement, parce qu'on est plus cassé. Je pense que c'est la meilleure expression. Et la traite intérieure va se développer donc, dans deux sens. D'abord, du nord, quelques dizaines de milliers d'esclaves vont être vendus vers le sud au moment de l'abolition pour ne pas perdre son investissement, mais surtout de l'est vers l'ouest, au fur et à mesure qu'on s'étend là, de la côte est de la Virginie vers jusqu'à la Louisiane, jusqu'au Texas. Les esclaves vont se déplacer dans ce sens-là. Et c'est des populations très importantes qui se déplacent. Hein. Du nord vers le sud, je viens de le dire, quelques dizaines de milliers d'esclaves. Mais de l'est vers l'ouest, c'est 1 million d'esclaves qui sont transportés, parfois avec leurs maîtres, qui migrent eux-mêmes vers des terres qui sont meilleures pour l'agriculture ou vendues. Et qui, par des gens en sachant pas qui va les acheter. Quand on les déplace, on les déplace de deux façons. Idéalement, par bateau, ça c'est ce qu'on préfère, un petit peu moins souffrant, ou en marchant, enchaînés les uns ou les autres sur des dizaines de milliers de kilomètres. C'est un système très, très dur, le déplacement des esclaves. Je crois avoir un spécimen qui vous plaira beaucoup dans la pièce à l'arrière. Venez, c'est par ici. Oui, voilà. Examinez-les à votre guise, mais... Je vous suggérerais en particulier de jeter un coup d'œil au jeune Ezra, juste ici. Regardez-moi ses formes. Je n'ai jamais vu une nègre comme celui-là. Et cette merveilleuse créature incroyable, pas vrai? Elle ferait une excellente femme de chambre, hein, madame? Donc, inspectez à votre guise, prenez votre temps, servez-vous les rafraîchissements. Alors, messieurs, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Ce petit, hein, ouvre la bouche. Oh, plus grand? Regardez ça, il n'a pas été malade un seul jour de sa vie. Il portait une attention particulière à Martha, c'est une excellente chef pâtissière. Ah, monsieur Ford! Je suis ravi de vous voir, monsieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Celui-là, il est très musclé, hein? Combien pour Platt et Eliza? Ah, oui. $1,000 pour Platt et... Oh, il s'agit d'un nègre au talent considérable, je vous l'assure. $700 pour Eliza, au meilleur prix. Extrait du film « 12 ans d'esclavage »,« 12 years a slave », ce film de Steve McQueen en 2013. Cet extrait-là, Maryse Bachand, nous donne une assez bonne idée de ce que ça veut dire, la manière dont ça se fait concrètement, la vente et l'achat d'esclaves. Commençons par les lieux où ça se pratique. Ça se fait où? Où est-ce qu'on achète et on vend des esclaves? Le plus grand nombre de ventes, c'est pas dans des lieux comme on voit. C'est entre particuliers, comme nous, on peut vendre des meubles usagés, là, par exemple, ou des voitures. C'est d'annonce à annonce ou de voisin à voisin. C'est comme ça que sont le plus grand nombre. De fait, l'esclave, c'est un peu ça. C'est un bien meuble, au fond. Dans les codes de loi, c'est un bien meuble. C'est comme ça que c'est défini, absolument. Donc, on va chez quelqu'un qui a un esclave à vendre, puis on négocie. Oui, quand on va faire son tour au village, on dit, ben là, j'aimerais ça me débarrasser de tel esclave. Est-ce que quelqu'un, ça l'intéresserait? La nouvelle se répand dans la communauté. Puis, c'est comme ça qu'on a le plus grand nombre de ventes. On parle de 2 millions de transactions qui sont toutes notariées en grand nombre. Donc, on a les sources pour les documenter. Ça, c'est le plus grand nombre. Les autres endroits où on les vend, il y a les endroits les plus spectaculaires qu'on a souvent représentés, qui sont les encans. Mm-hmm. Les encans qui ont lieu soit dans les villes, en pleine rue, ou encore dans les hôtels de luxe, où on va vendre quand quelqu'un meurt, puis on veut partager tout son héritage. Là, on va faire des grandes ventes d'encans. Très spectaculaires, très observées, décrites dans les récits de voyage, mais ça, c'est une minorité. Où il y a de nombreux esclaves à vendre, là. Oui, ben c'est des lots, mais on va vendre aussi des meubles, des chevaux. D'accord. En fait, c'est un bien parmi d'autres qui sont vendus. L'autre endroit le plus commun, ce sont ce qu'on appelle les marchés aux esclaves, qui sont dans les villes principalement. Je pense à Mobile, la Nouvelle-Orléans, où on retrouve 20 % des ventes d'esclaves, ville très importante, plaque tournante. Et là, il y a, comme dans le film 12 ans d'esclaves, quelques maisons, des firmes de vente d'esclaves où on va les mettre en scène, mais c'est pas la façon la plus courante. La plus courante, là, c'est des enclos comme à animaux qu'on appelle les slave pens, mm-hmm. les enclos d'esclaves qui sont à l'arrière où ils sont entassés, enfermés, et là, on va les regarder. Ils sont pas habillés, ils sont pas costumés, puis on choisit l'esclave. Ça, c'est la pratique la plus courante dans le marché commercial. C'est la façon de les vendre. Et on va aussi parfois, quand on a un lot qu'on n'a pas vendu depuis longtemps, on va les attacher sur le bord du trottoir, puis on attend que la journée passe, puis que les gens, quand ils se promènent, un peu comme on voit des vêtements, regardent, puis disent « Ah, tiens donc, je pourrais m'acheter celui-là. » Et ça, ça scandalise énormément les visiteurs étrangers qui voient ces scènes-là. C'est en fait, souvent, en voyant ça, il y a même des gens qui vont tout à coup, qui n'avaient pas vraiment d'opinion sur ce système-là, qui vont devenir abolitionnistes en voyant concrètement de leurs yeux comment ça se fait. L'aspect le plus dérangeant de l'esclavage, c'est la vente, mm-hmm. c'est la traite. Tous les autres aspects, la violence, elle est dérangeante quand elle est excessive, mais on est dans des sociétés qui sont très violentes. Hein, on fouette sa femme, on fouette ses enfants, c'est une technique d'éducation. Les esclaves, c'est un niveau supérieur, mais on est dans des sociétés violentes. Donc, c'est pas la violence qui dérange le plus les gens, à part la violence extrême. C'est vraiment la vente, mais surtout les scènes de séparation de famille. Mm-hmm. C'est ça qui dérange le plus les abolitionnistes. Et de nombreux abolitionnistes nous laissent un témoignage du moment où ils se transforment, où ils entrent dans ce militantisme-là. C'est après avoir assisté à des ventes d'esclaves. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un événement important. Et à partir du moment où les abolitionnistes vont se mettre, à partir des années 20-30, à condamner les ventes, c'est à partir de ce moment-là que les sociétés esclavagistes vont se mettre à nier la fréquence de la traite des esclaves parce que c'est trop dérangeant. Combien vaut, j'imagine que ça varie d'un endroit à l'autre, mais combien vaut un esclave, Maryse Bachand? Je vais vous donner les chiffres pour la Nouvelle-Orléans, qui est le marché le plus important. Là. En 1800, un bon travailleur agricole, donc un homme dans la force de l'âge, ça vaut environ 500 $. Et quand on avance dans le temps, même au-delà de l'inflation, l'augmentation des prix, en 1860, on est rendu à 1 800 $. L'esclave en soi a gagné beaucoup de valeur. Ce qui est pas mal d'argent pour l'époque. Oui, 30 000 $ en valeur d'aujourd'hui, donc une belle voiture neuve. Aujourd'hui, c'est la valeur d'un esclave. Mais les gens pouvaient avoir, en moyenne, 5-7 esclaves, mais les grands planteurs peuvent avoir 50, 100, 200, 400, 800 esclaves qui valent chacun 30 000 $ l'unité. Et le prix des esclaves, on ne le croit pas constamment, il est soumis aux crises du capitalisme, au cycle du capitalisme. Et donc, quand il y a des dépressions économiques, des paniques politiques, des moments où l'esclavage est remis en question, le prix va chuter des esclaves. Il peut descendre à des niveaux plus bas encore que celui qu'on voyait en 1800, par exemple. Et ça s'établit comment, le prix de l'esclave? Vous parlez d'un homme, d'un bon travailleur. Le sexe, la capacité de travailler, comment on établit le prix? On a longtemps pensé que les femmes valaient moins que les hommes, puis on est en train de réviser cette croyance-là en regardant des corpus plus grands d'esclaves. Plus l'esclave est qualifié, plus qu'il connaît est rare, mettons un charpentier par exemple, ou des ingénieurs. Il y a des ingénieurs esclaves qui font fonctionner la machinerie dans les sucreries par exemple. Ça vaut une fortune, ça vaut presque 2000 $. Les femmes très belles qui peuvent devenir des maîtresses, des ménagères, on appelle les fancy maids, peuvent se vendre aussi plus cher dans les 1000-1200 $. Mais quelqu'un qui est plus âgé, qui est infirme ou encore qui aient tendance à s'enfuir. Lui vaut moins cher parce qu'on n'est pas sûr. C'est un peu comme si on achète une voiture usagée. On ne sait pas si ça va nous lâcher, finalement. Alors, ceux-là valent moins cher, 200-300 $. Puis il y a même, vous dites, ceux qui, dont on est moins certain, est-ce qu'ils vont nous lâcher, pour reprendre notre expression, est-ce qu'il y a même un système qui va se développer d'assurance? C'est fou, là, le système se développe, d'indemnité, possiblement, en cas de défaut, entre guillemets. Oui, il y a des assurances que certains esclavagistes vont acheter, dans le fond, pour garantir que l'investissement va rapporter. C'est pas hyper développé, mais on a vraiment une volonté d'encadrer et d'assurer cette vente-là, et aussi de réaffirmer l'idée que c'est un bien mobilier. Ça, c'est un désir dans l'institution. Le Code civil de la Louisiane va particulièrement protéger les ventes, puisqu'on va voir moins ailleurs. Mais il y a cette idée-là que c'est une transaction qui doit être garantie, qu'on peut retourner le bien si on l'achète, puis qu'il n'est pas fiable. On n'avait pas révélé les vices cachés, par exemple, que c'était un fuyeur ou qu'il y avait des rhumatismes et donc qu'il ne travaillait pas. On pourra retourner à l'acheteur, dans certains cas, l'esclave. Et les cours interviennent dans les discussions. Donc, ça va devant les cours de justice. Oui. Il y a même un système de location d'esclaves. Ça, c'est une partie mal connue et tellement importante du système d'esclavage. Les gens vont s'acheter un esclave, ils en ont besoin. À un moment donné, ils en ont moins besoin. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller l'envoyer dans le marché locatif. Donc, ou soit eux vont décider où va leur esclave va travailler, ou encore c'est l'esclave lui-même qui va être en charge de sa propre subsistance et devra remettre une somme hebdomadaire ou mensuelle à son maître de ses revenus. Donc, son maître a une espèce de revenu garanti, comme quand on loue un appartement, mais c'est avec des êtres humains. Et c'est une pratique qui est particulièrement importante chez les femmes qui ont hérité de leur mari et qui vont ainsi vivre dans leurs vieux jours avec leur lot d'esclaves. Et on voit des groupes, des fois, 20 esclaves d'une personne qui vit à l'étranger. Et ces esclaves-là, ils vivent dans une maison. Il n'y a personne qui les contrôle directement. Mm-hmm. Mais ils vont louer leur travail. Puis régulièrement, il y a un agent qui vient chercher des sous et qui envoie ça au maître qui est à l'étranger. C'est donc c'est une drôle de pratique. On revient sur le moment de la vente. Vous l'avez rapidement abordé. Les ravages aussi que ça va faire sur le plan de la composition ou au fond de la décomposition familiale. Nobody knows the trouble. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Chez les protestants, c'était pas la même chose, hein? C'était de la propriété, un esclave. C'était de la propriété qui devait être exploitée. Il y avait l'achat et vente, il y avait hybridation, et puis on ne respectait guère l'unité familiale, la famille, la mère, le père, les enfants. Souvent, aux encans de la Nouvelle-Orléans, de Charleston, c'était qu'on vendait la mère à gauche et puis le père à droite, le père au Maryland, la mère en Georgie, les enfants en Arkansas, ailleurs. Donc, l'esclavage tel que pratiqué aux États-Unis paraît avoir été beaucoup plus dévastateur et destructif qu'ailleurs. Sometimes I'm almost to the ground. Oh yes, Lord. Ah, c'est assez terrible, on vient de l'entendre. Des familles qui vont régulièrement être brisées, la mère qui se retrouve dans un état, les enfants dans l'autre état, le père dans un autre état encore. Et le moment où se fait cette vente, c'est souvent, Maryse Bachand, un moment où se produisent les pires drames, finalement. C'est très, très dur, ce moment-là. Parce que les liens humains, c'est ça qui rend l'esclavage endurable. Le fait d'avoir une famille, d'aimer quelqu'un, d'avoir une communauté, c'est ça qui rend ça vivable. C'est vraiment le terme à utiliser. Et pourtant, le système qui se met en place fait, au contraire, brise ces liens-là, brise les communautés. C'est un mariage sur 5 qui aurait été brisé par la vente, un enfant sur 3 de moins de 14 ans qui aurait été séparé d'au moins d'un de ses deux parents par le système de la traite interne, c'est énorme. Ça mène à des dépressions, à des suicides, à des infanticides aussi, hein, très bien représenté dans le film Beloved, qui a été fait il y a quelques années de Jonathan Demme. C'est beaucoup de souffrances humaines. Mm-hmm. Parlons des marchands d'esclaves. Qui sont les marchands d'esclaves? Puis je dirais, comment ils sont perçus socialement? Jusqu'à tout récemment, on les décrivait comme des parias. Et moi-même, j'ai enseigné ça dans mes cours. Même dans la société sudiste, hein, on les représentait comme étant des villes, personnes un peu à l'extérieur de la société. Qui violaient leurs esclaves, entre autres les esclaves qu'ils vendaient. Et ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai. Même si on est en train de changer notre perception, on ne change pas cette interprétation-là. Mais on se rend compte, très récemment, on parle d'historiographie là, de 2009-2010, là, depuis quelques années, qu'au contraire, c'était plusieurs de ces gens-là étaient très bien intégrés dans la société sudiste. On les retrouvait des notables, dans les positions politiques, des marguilliers dans les églises, les vestrymen qu'on les appelait. C'était des capitalistes comme les autres. Ils appartenaient à leur société. C'était une façon de s'enrichir. Puis comme on l'a vu, c'était hyper lucratif, hyper important. Et ceux qui ne s'adonnaient qu'à ça vont s'acheter une légitimité. Puis on a un exemple assez superbe avec Isaac Franklin, donc qui va faire la vente des fancy maids, donc les maîtresses éventuelles, qui va faire l'acquisition de plusieurs plantations, qui va ensuite devenir le voisin d'Andrew Jackson, qui était l'ancien président des États-Unis, qui était lui-même planteur au Tennessee, et qui, là, se gagne toute une notoriété publique. Donc, le marchand qu'on représente comme un paria était, dans les faits, un membre, comme les autres, de cette société-là. Oui. Ça va disparaître, évidemment, grâce à cette guerre civile américaine. Ce sera la fin de l'esclavage après la guerre civile. Quel impact ça va avoir sur le Sud? Encore une fois, on revient au début de l'émission, mais ça avait une telle importance économique. Il y a un impact là, quand tout ça disparaît. On n'insistera jamais assez sur l'importance économique de l'esclavage, la cause principale de la sécession du Sud, et l'effondrement économique. La haine, la colère, le racisme, ça naît de la misère. Et on a une population qui était très prospère, très intégrée dans le capitalisme américain, dans le monde atlantique, qui se retrouve avec rien, qui perd toute sa fortune. Et comment exprime-t-on cette perte économique-là? Mais dans un racisme qui était grand avant, mais qui est magnifié après la guerre civile, avec bon, les groupes comme le Ku Klux Klan, etc. C'est donc une société qui connaît une dépression majeure, vraiment. Donc, on va voir la reconstruction du Sud, mais qui va être très longue à venir. Aujourd'hui, Maryse Bachand, quel rapport les Américains entretiennent-ils avec ce passé-là, ce passé esclavagiste? Il y a une fracture entre ceux qui l'embrassent, s'en rappellent, ils veulent qu'on l'intègre dans la mémoire collective. Il y a un effort très, très grand qui est fait. Et il y a ceux qui nient l'importance de ce phénomène-là. Il y a vraiment une fracture. C'est pas urbain-rural, c'est pas nord-sud. C'est plus compliqué que ça, la géographie de cette fracture-là. Maryse Bachand, professeure d'histoire américaine à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup, Maryse. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.